Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, ce qui a changé au 1er octobre 2023. Le mois d'octobre est synonyme, comme chaque année, de certains changements. Alors, voici le point sur ce qui va évoluer. Tout d'abord, concernant les personnes en situation de handicap et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, la fameuse AAH. En effet, la réforme de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés est entrée en vigueur. Près de 1,3 million de personnes touchent l'AAH. Jusqu'à présent, les revenus des bénéficiaires et de leurs conjoints étaient pris en compte dans le calcul de cette aide qui peut atteindre un montant maximum de 904 euros mensuels. Dorénavant, seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront considérées, sauf bien entendu si cela lui est défavorable. Donc pour près de 120 000 personnes en situation de handicap vivant en couple, cette réforme se traduit par une hausse de leur allocation. Cette réforme favorise l'autonomie des personnes handicapées qui n'ont plus à dépendre du conjoint et de ses ressources. Il faut savoir que le premier versement de l'AAH déconjugalisé concernera les droits du mois d'octobre 2023 et sera donc effectif début novembre 2023. Ensuite, un autre point concerne le livret d'épargne populaire, fameux LEP. Le plafond de ce LEP va passer de 7 500 euros à 10 000 euros. La rémunération, elle, n'augmente pas et reste à 6,1% comme cela avait été décidé déjà au 1er janvier. Ce livret d'épargne réglementé par l'État est réservé aux personnes ayant des revenus modestes. Pour en bénéficier, il faut respecter des conditions bien entendu de revenus. Le revenu fiscal de référence N-2 ou N-1 indiqué sur l'avis d'imposition ne doit pas excéder un certain seuil. Le nombre de titulaires de ce produit d'épargne est aujourd'hui de 10 millions de personnes sur 19 millions de Français éligibles. Ensuite, concernant l'allocation au logement, c'est la revalorisation automatique annuelle. Les APL, les fameuses aides personnalisées au logement, ont augmenté au 1er octobre. Pour 2023, ce sera 3,7%. Cette hausse est calculée en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année considérée. Et en cohérence, bien entendu, avec le plafonnement de la hausse des loyers. Pour rappel, les APL sont versées aux locataires à revenus modestes. Près de 7 millions de personnes sont concernées par cette aide. Ensuite, concernant les prix du gaz, qui sont en hausse. Depuis la suppression des tarifs réglementés du gaz au 1er juillet 2023, les prix sont repartis à la hausse. Au 1er octobre, si l'abonnement ne bouge pas, le prix du kilowattheure augmente de 1,1 centime d'euro pour les usages cuisson, eau chaude et chauffage, selon la Commission de régulation de l'énergie. J'apporte également un point de vigilance sur la taxe foncière. En effet, chaque foyer propriétaire d'un logement a reçu son avis de paiement de la taxe foncière. La date limite de cette taxe pour le paiement est fixée au 21 octobre si vous payez bien sûr par Internet ou smartphone, ou le 16 octobre si vous payez via un autre moyen de paiement. Sachez que le prélèvement sera effectué sur le compte bancaire à compter du 26 octobre. Ensuite, il y a une nouvelle réglementation au 1er octobre concernant la délivrance des chèques vacances pour les retraités de la fonction publique d'État. En effet, si vous êtes à la retraite après une carrière comme fonctionnaire ou agent public, vous ne pourrez plus bénéficier de ces chèques vacances. Désormais, seuls les agents publics civils et militaires en activité peuvent en avoir dès lors qu'ils sont rémunérés sur le budget de l'État. Enfin, pour terminer, concernant les soins dentaires, qui seront malheureusement moins bien remboursés par l'assurance maladie. En effet, une annonce de l'assurance maladie a été faite sur la baisse de la prise en charge de ces soins dentaires. Dès le 1er octobre 2023, elle passera de 70% à 60% de prise en charge. Bien entendu, à charge pour les mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance, si elles le veulent bien, de compenser ce déremboursement. Si cela ne devrait pas avoir de conséquences directes sur les factures, les cotisations devraient mécaniquement augmenter, comme cela avait été indiqué par le Centre technique des institutions de prévoyance. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.